إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله حديثنا اليوم حول ظاهرة استسهال موضوع الربا المحرم تحريما قطعيا بالكتاب والسنة وإجماع العلماء فقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر معنى يظهر أي يفشو في الناس أمره ويستسهل ولا يستغرب وهذا حاصل وللأسف اليوم في الربا والزنا والخمر كثير من المسلمين بسبب ضعف الإيمان وقلة الصبر واليقين استسهلوا في هذا الموضوع عند أدنى إحساس بالتعب والمشقة والعنة في الحياة فإذا ضاقت عليهم الأبواب في الرزق لم يروا إلا بابا واحدا يصير به الرجل غنيا في ليلة وهو باب الاقتراض الربوي المحرم وقالوا الضرورات تبيح المحظورات وإذا وجدوا الحرج والضيق في نصيبهم من المأوى والسكن أو توقعوا ذلك لم يروا إلا بابا واحدا تصير به العائلة في ليلة وضحاها في مسكن كما تحب وتشتهي من خلال الاقتراض الربوي المحرم وقالوا الضرورات تبيح المحظورات بل هناك من يبتغي ترميم سكنه بالربا يقول الضرورات تبيح المحظورات بل هناك من رأى الناس يتمتعون مع أولادهم بالسيارات والمراكب الفخمة فوجدوا الحرج والمشقة من فقد السيارة ثم توسع فاعتقد أن السيارة من الضرورات في هذا الزمان وبالتالي الضرورات تبيح المحظورات فاقتنى سيارة فخمة بالربا المحرم وغير ذلك من الحالات التي تدعو إلى الأسف والحسرة هذا الوضع عباد الله ناشئ بعد ضعف الإيمان وقلة الصبر واليقين ناشئ من عدم التفريق بين مرتبة الضرورة التي تجيز للمسلم فعل الحرام بضوابط وبين المشقة التي لا تجيز فعل الحرام وإنما تجلب التيسير في الحلال وما لا إثم فيه لا أحد يجهل تحريم الربا في الإسلام وأنه من أكبر الكبائر وأنه لم يبلغ في من تغليظ أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تغليظ الربا ولم يبلغ في التهديد في اللفظ والمعنى بفعل من أفعال الجاهلية ما بلغ من التهديد في أمر من أمر أو في أمر الربا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء قال عنهم هم سواء في الإثم وقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله وقال صلى الله عليه وسلم ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى القلة أو إلى قلة عباد الله هل يمكن للمسلم أن يستهين بموضوع الربا مع كل هذا الوعيد وهل للمسلم أن يحتج بمشقة الدنيا الزائلة لتحسين وضعه الاجتماعي على حساب دينه ومشقة الآخرة التي لا تحتمل فرق كبير جدا بين الضرورة النادرة التي يحصل بسببها التلف الحقيقي اليقيني وبين المشقة التي هي من طبيعة الحياة التي نحن فيها الضرورة قال أهل العلم الضرورة هي التي تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة تنتهي بالتلف والهلاك يقينا في نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله فيباح له حينئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه والمعنى أنه توجد نقطة معينة سيحدث عندها الخطر يقينا ويترتب عليه التلف أكيدا وهذه الضرورة التي تحتاج إلى فتوى خاصة لا يمكن أن تتصور بتاتا في حق آكل الربا وإنما يمكن أن تحصل في حق الموكل وأما المشقة معشر المؤمنين فهي جزء لا يتجزأ من الحياة قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أي يكابد مصائب الدنيا وحاجاتها بل المشقة عباد الله جزء لا يتجزأ من التكليف والعبادة قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ففي الجهاد مشقة كبيرة وخطر متربص وفي الحج مشقة بالغة وخطر متربص وفي الصوم في الصيف مشقة وإرهاق وفي الغسل أو الوضوء في الشتاء مشقة وفي صلاة الصبح مشقة وفي صلاة الجماعة مشقة وفي طلب العلم مشقة وفي طلب الرزق مشقة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشقة وفي رجم الزناة مشقة وفي إقامة الحدود على الجناة مشقة فهل يجيز ذلك أو هل يجيز شيء من ذلك الترخص بترك الواجب أو فعل الحرام لوجوب المشقة فيه الحياة الدنيا بناها الله تعالى على المكابدة المشاق وتحمل الأخطار والهموم فهي دار المشقة وإن قلت والجنة نعيم مطلق لا مشقة فيه ولا خطر والنعيم لا يدرك بالنعيم وإنما يصل المرء إلى نعيم الآخرة بالصبر على مشاق التكليف وترك الشهوات الحرام عباد الله شخص يسكن مع أهله عند والده وأولاده وما شاء الله يعني كثيرون أولاده والحال ضيق وهذا الشخص في مشقة يعني وهل هذه المشقة تجيز له امتلاك مسكن بالربا؟ الجواب بكل تأكيد هو في مشقة وليس في ضرورة لاقتراض بالربا. لماذا؟ الجواب لعدم وجود وصف الاضطرار وهو الحد الذي يكون فيه الخطر يقينا ويترتب عليه التلف كما قلنا في تعريف الضرورة. وشخص مستأجر، وهل هذا الشخص في مشقة أم في ضرورة تجيز له الامتلاك بامتلاك مسكن بالربا؟ الجواب بكل تأكيد هو في مشقة وليس في ضرورة لاقتراض بالربا. لماذا؟ الجواب لعدم وجود وصف الاضطرار وهو حد الذي يكون فيه الخطر يقينا ويترتب عليه التلف كما قلنا في تعريف الضرورة. عباد الله، الربا بلاء على الإنسانية في إيمانها وفي أخلاقها وفي حياتها الاقتصادية، فهو أبشع نظام يمحق سعادة البشر محقا. وعلى الرغم من أنه يبدو كأنه يساعده على النمو وسد الحاجات، وهو الوجه الكالح الذي يقابل الصدقة والبر والإحسان والزكاة والقرض الحسن المأمور بها في الإسلام، كيف يقدم المسلم على الربا لشبهة أو شهوة تدفعه وهو يقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، آية صريحة فيها إعلان واضح للحرب على مستقبل المرابين، على مستقبل المرابين. يقول الله لهم: إذا لم تتوبوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي انتظروا حرب الله ورسوله لكم. ومن يقدر أن يحارب الله ورسوله؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القدرة الجبارة؟ وهذه الحرب المعلنة أعم من القتال بالسيف والمدفع، إنها حرب على الأعصاب والقلوب، حرب على البركة والرخاء، حرب على السعادة والطمأنينة، حرب يسلط الله فيها بعض العصاة على بعض، حرب المطاردة المستمرة، حرب الغبن والخسارة الدائمة، حرب القلق والخوف، حرب أعلنها الله جل وعلا على المرابين أفرادا ومجتمعات وأنظمة، وهي مسعرة الآن تأكل الأخضر واليابس، والبشرية غافلة عما يفعل بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, khayy Allah. Et sachez que l'islam a encouragé et a enjoint le fait de prêter de l'argent aux pauvres, ou de prêter quoi que ce soit qui peut aider ou venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Et donc, l'islam encourage le fait de s'entraider et de se rendre les choses faciles dans la vie pour faciliter, parce qu'on veut le bien pour les autres. Donc, quelqu'un, il vient et te demande de lui prêter, tu lui prêtes. Tu lui prêtes de l'argent. Et lorsque vient le moment, il te rend l'argent que tu lui as prêté et il ne te rajoute pas un sou de plus. Parce que le but, c'est de venir en aide à ton frère et de lui rendre un service et non pas de faire un profit avec lui ou de profiter de son état de difficulté ou de sa situation. Et donc, il faut savoir que le prêt en islam, c'est halal. Le prêt en islam, c'est halal et c'est quelque chose de bien, de recommandé, de s'entraider tant que c'est un prêt qui ne contient pas de conditions interdites comme le riba, hein, l'intérêt. Et souvent, les gens se font avoir par rapport à l'intérêt parce qu'on ne leur a pas donné la bonne explication ou la bonne traduction du terme riba en arabe. Souvent, les gens, lorsqu'ils traduisent le terme riba, ils le traduisent par le terme usure. Et il n'y a pas de doute que l'usure, même chez les koufars, les non-croyants, c'est quelque chose qui est interdit dans les lois. Du fait que l'usure, c'est lorsque quelqu'un il te prête de l'argent avec un taux d'intérêt exagéré. Comme par exemple 50%, 60%, 40% d'intérêt. Lorsque le prêt atteint un taux d'intérêt élevé de cette façon et que c'est exagéré, alors dans ce cas-là, ils considèrent que ça c'est de l'usure. Tandis que les prêts à intérêt qui sont donnés par les banques et les institutions financières qui donnent des taux d'intérêt qui sont permis dans la loi des koufars, ils ne considèrent pas que ça c'est interdit. Parce qu'ils disent que ça c'est des taux soi-disant raisonnables. Donc si c'est 30% et en descendant 20%, 10%, 5%, donc dans ce cas-là, ils disent ça c'est pas, c'est pas mauvais, c'est pas dangereux ou c'est pas de l'usure. Alors il est important de comprendre que dans l'islam, le riba c'est l'intérêt et l'usure, les deux ensemble. Que ce soit un taux de prêt qui est exagéré ou même 1%, ou même 0,5%, tout taux d'intérêt en islam, c'est haram. Et ça, c'est quelque chose qui est établi et sur lequel il y a le consensus des savants de l'islam. Et il n'y a pas de divergence entre eux sur l'interdiction du riba en islam. Et pourquoi on ajouterait une dette à la personne alors qu'elle est dans la difficulté? Quelqu'un, il vient te voir dans un moment de difficulté et il te demande de lui prêter de l'argent. Et toi, quand arrive la date ou le moment prévu pour qu'il te rembourse et il est dans la difficulté, au lieu de lui baisser la dette et de lui faciliter le paiement, toi, au lieu de ça, tu lui dis « Bon, je te rajoute dans ta dette. Tu me devais 1000, maintenant tu dois me donner 1200. Et je te laisse un délai supplémentaire. » Si la personne ne pouvait pas payer 1000, comment elle va pouvoir payer 1200? Donc ça veut dire que c'est un système dans lequel il n'y a pas de miséricorde. C'est un système dans lequel il n'y a pas de rahma pour les pauvres. Il n'y a pas d'entraide pour les gens dans le besoin. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si la personne à qui tu as prêté de l'argent est en difficulté, lorsque vient le moment de payer sa dette, elle est en difficulté, alors donne-lui un délai, il a maïsara, jusqu'à ce qu'il soit plus en facilité, jusqu'à ce que sa situation s'améliore et qu'il soit dans la capacité de te rembourser et de donner en sadaqa, de faire l'aumône et la charité, c'est mieux pour vous si seulement vous saviez. Donc ça c'est la miséricorde de l'islam, c'est la rahma de l'islam pour les pauvres et pour les gens dans le besoin ou pour les gens dans la difficulté. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que vers la fin des temps, il y allait apparaître parmi les musulmans de l'intérêt, justement, du riba et de la fornication, de l'adultère, ainsi que de l'alcool. Et que c'est quelque chose qui allait se propager et que les gens allaient commencer à prendre ça à la légère et qu'ils n'allaient plus trouver ça surprenant ou étrange. Et c'est ce qui est arrivé, et tout ça, c'est à cause de la faiblesse de la foi, que les gens ont commencé à prendre ça à la légère. Et les gens se disent qu'à la moindre difficulté dans la vie, eh bien, ils disent dans ce cas-là, puisque la vie est un petit peu difficile en ce moment, par exemple, donc on n'a pas de maison, on est un locataire dans un appartement et qu'on paye chaque mois un loyer, pourquoi on est en train de payer ce loyer? Ça, c'est une difficulté. Donc, ils disent, dans ce cas-là, c'est une nécessité pour nous d'acheter une maison. Et donc, ils s'en vont prendre un prêt à intérêt et ils achètent une maison avec du riba. La même chose avec la voiture. Parce que leur voiture, elle est petite et elle n'est pas neuve. Donc, ils sont un peu embarrassés, ils trouvent ça difficile. Donc, ils se disent, la difficulté, elle est là. Donc, ils croient que ça, c'est quelque chose qui est comme une nécessité dans ce cas-là. Et ils se permettent d'aller prendre un prêt avec riba pour enlever cette soi-disant difficulté. Sauf que les ulama de l'islam, ils ont expliqué que la nécessité, c'est lorsque quelque chose est relié à un danger réel et certain qui risque de mettre fin à ta vie ou bien qui peut représenter un grand danger dans ton honneur ou dans ta personne ou dans tes biens. Comme par exemple, les ulama ils donnent souvent l'exemple, quelqu'un qui a peur de mourir, il est dans un endroit où il n'y a rien à manger, il va manger quelque chose qui est haram pour rester en vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la nécessité. Mais la difficulté, ça, c'est quelque chose qui fait partie de la vie elle-même. Et ce n'est pas quelque chose qui rend licite ce qui est haram. Donc, il ne faut pas confondre entre la nécessité et la difficulté. La nécessité, c'est lorsque quelque chose t'amène à un grave danger qui risque de te faire périr ou de te faire mourir ou quelque chose de ce genre. Tandis que la difficulté, ça c'est quelque chose, tout le monde le vit. Même dans la religion, il y a des difficultés aussi. Par exemple, de faire les prières, de faire le jeûne, de faire le hajj, de chercher la science, d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Dans toutes ces choses-là, il y a des difficultés. C'est des épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Mais ça, ce n'est pas parmi les choses qui rendent licites les choses, et ça ne fait pas partie de la nécessité. Et il n'y a pas un péché que l'islam est venu interdire avec plus de menaces et des menaces plus sévères que le riba, qui faisait partie des actes de la jahiliya. C'est-à-dire les Arabes, avant l'islam, ils faisaient ça. Ils prêtaient avec intérêt. Et chez les juifs, c'est quelque chose qui est interdit. Mais ils ont trouvé un moyen de le rendre licite en disant, si c'est à des non-juifs, c'est pas grave. Tandis que nous, pour nous les musulmans, le riba c'est haram, que ce soit à des musulmans ou à des non-musulmans. Et des fois, tu vois aussi parmi les musulmans, parmi les gens qui sont déviés dans différentes sectes, comme les Rafida, Shia, eux, ils disent, si on est dans des pays non-musulmans, on a le droit de faire le riba. Et c'est pour ça que tu les trouves ici, ils achètent des magasins, ils achètent des restaurants, ils achètent des trucs. Ils font du commerce, ils font du riba. Ils disent, c'est pas grave, on n'est pas dans un pays musulman. Le riba, c'est haram dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Il n'y a pas de différence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh vous qui avez... Il dit ce qui signifie, oh vous qui avez cru, craignez Allah et laissez ce qui reste de l'intérêt si vous êtes croyant. Et si vous ne le faites pas, alors sachez que Allah et son messager vous déclarent la guerre. Et si vous vous repentez, vous gardez votre capital. Vous gardez votre argent de base. Et vous n'êtes pas opprimé et on ne vous fait pas d'injustice. Approchez-vous un peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un dirham que quelqu'un prend alors qu'il sait que c'est du riba, c'est plus sévère pour lui, pour Allah, que de faire le zina 36 fois. Et ça, c'est rapporté dans Sahih al-Jami'. C'est un hadith authentique. Également rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a maudit la personne qui mange le riba, c'est-à-dire qui consomme l'argent qu'il a pris d'un prêt à intérêt, de même que la personne qui lui prête. Donc celui qui prend le prêt, il est maudit. Celui qui prête l'argent, il est maudit. وَمُوْكِلَهُ وَمُوْأَكِلَهُ وَكَاتِبَهُ Celui qui écrit le contrat, il est maudit lui aussi. وَشَاهِدَيْهِ Et les deux témoins qui sont témoins du contrat, ils sont maudits aussi. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et il dit dans ce hadith, هُمْ سَوَى Ils sont égaux. Tu vas dire, oui mais, pourquoi c'est pas celui qui prête seulement qui est maudit? Pourquoi celui qui emprunte alors que lui il est dans la difficulté? Eh bien la réponse c'est que la personne qui prête, si personne ne va lui emprunter, il ne pourra pas prêter à personne. Et lorsque tu vas prendre un prêt à intérêt, tu encourages la personne à continuer à faire le riba de ton côté aussi. Donc c'est comme si tu étais un complice dans ce péché-là. Et donc il ne faut pas se dire, c'est celui qui prête seulement qui fait le péché. Non, tous sont concernés dans ce péché. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le riba, l'intérêt et le zina, lorsqu'ils apparaissent dans une ville, dans un village, eh bien, ils se sont mis à la merci du châtiment d'Allah dans ce cas-là. Et c'est pour ça que tu vois que toutes sortes de châtiments vont tomber sur ces gens-là qui pratiquent le riba. De même que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a personne qui mange du riba ou qui commence à rentrer dans le riba, excepté que à la fin, il aura peu d'argent. Il va devenir pauvre. Allah, il va l'appauvrir. Et donc, ça c'est un rappel de faire preuve de patience et d'endurance dans les difficultés de la vie. Et de se dire que il faut avoir la conviction et la certitude et être satisfait du peu qu'on a, tant que qu'est-ce qu'on a, c'est dans le halal. Et d'éviter de tomber dans le haram et dans tout ce qui peut contenir du haram. Et surtout, qu'on vit dans une société qui considère que ça, c'est quelque chose qui est permis. Et donc, ça devient facile. Et même que quand tu travailles, par exemple, tu as un bon travail, peut-être qu'ils vont même t'envoyer par la poste des cartes de crédit. Et s'ils te donnent au début une petite limite de crédit, ils vont l'augmenter pour toi. Et ils vont te dire, oui, on peut te donner plus si tu veux. Et ils vont t'envoyer une deuxième peut-être, et une troisième, et une quatrième. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu passes ta vie à travailler pour payer ces cartes. Et ton argent, par la suite, elle n'est plus à toi. Et ta vie, par la suite, elle n'est plus à toi. Tu achètes une maison à 10 000 et tu prends 25 ans pour la payer. Quand tu as fini, elle t'a coûté trois fois le prix. Ça, c'est de l'injustice. C'est du vol. Et l'islam n'accepte pas l'injustice et le vol. Et donc tout ça c'est un rappel pour moi-même et pour vous-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là et de s'accrocher à la guidance d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois les gens ils ont tendance à dire « Ah mais pourquoi, pourquoi ça c'est haram et pourquoi lui il parle toujours de halal et de haram ?» Et ils voient dans le halal et dans le haram, ils voient quelque chose de négatif, hein, qui les limite dans la vie. Alors qu'en réalité, de connaître le halal et de connaître le haram, c'est une miséricorde pour nous. Et c'est un bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait parce qu'il nous aide à connaître ce qui est bon pour nous et à le faire. Et il nous aide à connaître ce qui est mauvais pour nous et à s'en écarter. Parce que si on ne connaît pas le halal et le haram, eh bien on tombe dans toutes sortes de choses qui amènent des conséquences qui sont négatives pour nous. Et Allah, il ne veut pas le mal pour nous. Allah, il veut pour nous le bien. Il veut pour nous la facilité. Et c'est pour ça qu'il nous a révélé ses règles et ses principes pour nous encourager au bien. Et la umma de l'islam, c'est la meilleure umma si elle s'accroche aux principes de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah » Vous êtes la meilleure nation qui a été sortie pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc si on respecte ces caractéristiques, on sera la meilleure nation que Allah a fait sortir pour les hommes. Mais si on respecte pas ces caractéristiques, et bien entendu dans ce cas-là, cette caractéristique-là ne va pas s'appliquer à nous, puisqu'on n'a pas cherché le bon exemple. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également dans un verset dans le Coran, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous vous détournez, il va vous échanger pour un autre peuple, une autre nation, et ils ne seront pas comme vous. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Le fait qu'on lui obéit, ça ne lui ajoute rien. Et le fait qu'on lui désobéit, ça ne lui enlève rien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghani. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le riche, il se suffit à lui-même. Al-hayyu al-qayyum, le vivant. Celui qui a besoin, que personne, il a besoin de personne, ni de rien, et tout a besoin de lui. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين والحمد لله